derniers millions d'années, à des températures qui étaient proches des nôtres, mais avec des concentrations en dioxyde de carbone beaucoup plus basses. Cette étude prouve que le Groenland est plus sensible au changement climatique qu'on ne le pense et qu'il risque de fondre de façon irréversible. Et enfin, selon une étude parue dans Frontiers in Microbiology, de nouvelles espèces de bactéries ont été découvertes à bord de l'ISS, de la Station Spatiale Internationale, en l'occurrence des Methylobacterium hajmali. Une équipe internationale qui travaille avec la NASA a découvert sur la table à manger de l'ISS et dans l'iconique coupole du vaisseau, trois souches de bactéries inconnues. Elles appartiennent à la famille des Methylobacterium, des bactéries d'origine végétale, qui proviennent sûrement des plantes cultivées à bord. Alors selon cette étude, dans ces environnements à faible gravité, elles participeraient à la croissance des végétaux. 1000 autres échantillons ont été collectés et ils attendent de revenir sur Terre pour être analysés. Peut-être que ces bactéries deviendront des atouts pour l'agriculture spatiale. Et j'ai de jouer avec une célérité, une vélocité, une adresse, votre piège orthographique et votre piège de prononciation, Natacha. Methylobacterium hajmali, voilà, c'est fait. Merci beaucoup, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Début mars, le 5 mars précisément, une nouvelle étude publiée dans le Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Une nouvelle étude vient donc proposer une nouvelle mesure de la constante de Hubble en partant d'observations depuis la Terre, en l'occurrence du télescope ALMA au Chili. Résultat, les chercheurs obtiennent la mesure dite basse de cette constante de Hubble, autour de 67 mégaparsecs par kilomètre par seconde, soit une mesure qui correspond aux valeurs de la mesure dite indirecte. Problème de cette constante de Hubble, un autre type de mesure, dit directe, trouve une toute autre valeur autour de 70 mégaparsecs par kilomètre par seconde. Alors, comme ça a l'air un peu compliqué, ça peut vous dire, bon, pas grand-chose, finalement, une différence de 3, ça n'est pas énorme. En revanche, pour l'univers, ça veut dire énormément de choses et ce sont des mesures tout à fait inconciliables. À tel point que les astrophysiciens et les cosmologistes se querellent, on pourrait presque dire s'arrachent les cheveux pour essayer de comprendre pourquoi la vitesse d'expansion de l'univers varie en fonction de la manière dont on la calcule. On va expliquer bien ces différences tout au long de cette heure et pour commencer, retour à la case départ. Dès 1925, Edwin Hubble observe les perséides et met en évidence l'expansion de l'univers. C'est notre archive du jour et nous sommes les céphéides, pardon pourquoi je dis les perséides, les céphéides, et nous sommes en septembre 1948 dans l'heure de la culture française. Si dans toutes les directions du ciel les nébuleuses s'enfuient ainsi, tout se passe comme si l'univers se dilatait à la façon d'une bulle. Dans ces conditions, où va-t-il donc l'univers? L'abbé Lemaître nous répond: vers une dilatation au terme de laquelle tout s'évanouira. On s'est naturellement demandé si quelque retour en arrière ne serait pas possible grâce à une sorte de pulsation universelle dans la phase suivante de laquelle l'univers se concentrerait de nouveau pour se dilater ensuite une nouvelle fois. Mais selon l'abbé Lemaître, le processus serait décidément à sens unique, irréversible. C'est cette théorie passablement bouleversante de l'univers en expansion qui a conduit l'abbé Lemaître à son hypothèse de l'atome primitif. Il est donc permis de supposer, ce que fait l'abbé Lemaître, que si nous nous tournons vers le passé, si nous remontons les âges cosmiques par milliards de siècles, nous retrouverons cette énergie de plus en plus concentrée jusqu'à ce qu'elle ne constitue plus qu'une espèce de monstrueux atome unique, l'atome primitif, doué d'une hyper-radioactivité fantastique, ayant pour masse atomique la masse totale de l'univers et dont l'explosion engendrera tout ce qui est. Voilà, on parle en l'occurrence beaucoup de l'abbé Lemaître, on va en parler également. Il faut dire que cette expansion de l'univers, elle est co-attribuée à Edwin Hubble et à Georges Lemaître. Peut-être une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre et à cette archive, Sylvia Galli. Oui, l'histoire de Hubble et de la constante de Hubble et en fait comment Lemaître avait déjà mesuré ou probablement avancé l'idée de l'expansion de l'univers 2 ans avant que Hubble publie ses données. En fait, c'est c'est une histoire qui a été récemment, en fait, redécouverte, en quelque façon. Frédéric Courbin. Oui, tout à fait. Je rejoins complètement Sylvia sur ça. On attribue souvent cette constante de Hubble à Hubble, mais l'article de Hubble est venu en 1929, donc 2 ans après l'article de Lemaître de 1927, qui malheureusement était publié en français. Et puis évidemment, les échanges entre scientifiques n'étaient pas tels qu'ils sont maintenant, et donc c'est pas dit que Hubble ait été au courant des travaux de Lemaître. En fait, il y a des indices comme quoi il était au courant et il aurait plutôt oublié de mentionner Lemaître dans ses travaux. Mais néanmoins, les premières observations de Hubble sont notifiées dès 1925, c'est-à-dire ses premières observations des céphéides, c'est-à-dire, bon, en fait, tout ça est à peu près concomitant, non, Frédéric Courbin? Plus ou moins? Plus ou moins, mais la première valeur de la constante de Hubble est en fait dans l'article de Lemaître, autour de donc 600 km par seconde par mégaparsec, donc bien plus élevé que ce qu'on a maintenant, basé sur des mesures, réellement. Donc en fait, la vraie mesure de la constante de Hubble est venue de chez Lemaître. De Lemaître. On va réexpliquer tout ça et on va peut-être reposer tous les termes de ce débat. Mais je le disais, Sylvia Galli, votre opinion là-dessus m'intéresse. Est-ce qu'on peut quand même estimer que cette découverte de l'expansion de l'univers est peut-être l'une des découvertes les plus importantes de la cosmologie du XXe siècle? Ah, sans doute aussi, parce qu'il a eu des implications aussi philosophiques gigantesques, si vous y pensez. En fait, les gens, au début du siècle, du 20e siècle, pensaient en fait que l'univers était statique, infini, et cette idée en expansion, et donc aussi l'idée qui suivent en fait que l'univers pouvait avoir un début et qui évoluait, c'était révolutionnaire. Frédéric Courbin, c'est évidemment la découverte de l'expansion de l'univers qui va commencer à mettre à mal les théories fixistes et ouvrir la voie, comme on l'entendait dans l'archive, à la théorie du Big Bang. Oui, complètement. L'idée de l'atome primitif de Lemaître, c'est ça. Il y a un début à tout, y compris au temps d'ailleurs. Donc en fait, d'ailleurs, la question qu'on se pose souvent, qu'est-ce qu'il y avait avant, n'a en fait pas de sens, puisque le temps est défini au moment où l'univers naît. Et puis après, l'univers est en expansion, et quel que soit le point où on se trouve dans l'univers, on voit tous les autres points qui s'éloignent de nous. Donc souvent, on pense que parce qu'on voit toutes les galaxies nous fuir, on est au centre de l'univers. Mais en fait, non, si on était sur une autre galaxie, on verrait la même chose, et dans une autre encore, on verrait aussi la même chose. On va essayer d'expliquer, parce que donc pour calculer cette vitesse d'expansion de l'univers, on a donc la physique a défini une constante qu'on appelle constante de Hubble, mais dont qu'on aurait pu appeler constante de Lemaître ou de Lemaître-Hubble. Bref, par convention, on l'appelle constante de Hubble. Et vous allez voir que cette constante de Hubble, elle pose de vrais problèmes très très lourds en astrophysique et des problèmes pour lesquels on a pour le moment pas encore de réponse. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de la constante de Hubble tout au long de cette heure en compagnie de Sylvia Galli et de Frédéric Courbin. Peut-être qu'on peut revenir justement à Hubble, en l'occurrence avant le calcul de cette constante, mais pour comprendre ce qu'il observe exactement Edwin Hubble qui va l'amener à calculer cette constante, Sylvia Galli. Oui, je pense qu'il faut déjà définir qu'est-ce que c'est cette constante, cette taux d'expansion, pour comprendre en fait après comment on la mesure. Et je pense que c'est bien de commencer pour vous dire en quelle unité on mesure cette constante. En fait, c'est en unité de kilomètres par seconde, donc une vitesse, par mégaparsec, qui a une unité de distance en astronomie qui correspond à peu près à 3 millions d'années-lumière. Et donc, c'est un rapport entre une vitesse et une distance. Et aujourd'hui, on va discuter de ça clairement aujourd'hui, on la mesure être à peu près de 70 km par seconde par mégaparsec. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que si vous observez une galaxie à une mégaparsec de nous. Donc à 3,26 millions d'années-lumière à peu près. Tout à fait. On va observer qu'elle s'éloigne de nous à cause de l'expansion de l'univers à peu près à 70 km par seconde. Si on observe une galaxie à 2 mégaparsecs, elle s'éloigne à 140 km par seconde. Et en fait, ça, c'est une caractéristique de l'expansion de l'univers homogène qui est pareille partout. En fait, vous allez toujours voir les objets plus proches de vous qui s'éloignent à une vitesse plus faible, disons, que les objets les plus distants. Et pour mesurer ça, en fait, Hubble, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il devait mesurer deux choses, des vitesses de ces objets qu'il appelait des nébulés à l'époque, et que, en fait, il savait, parce qu'il l'avait, c'est lui qui avait découvert, en fait, qu'étaient des objets, qui faisaient pas partie de notre galaxie. Aujourd'hui, on sait que c'était, en fait, des autres galaxies. Et donc, il mesurait, la distance de ces objets à travers des différentes techniques, par exemple en observant des étoiles variables qu'ils appellent des céphéides, qui ont une relation entre leur luminosité et distance. On peut aller dans les détails de ça. On y reviendra dans un instant, oui. Voilà. Et donc, il devait mesurer des distances d'une part et des vitesses, en fait, d'éloignement à travers le décalage vers le rouge de ces galaxies. Et voilà. Alors, donc, c'est exactement ça que je voulais vous faire expliquer. C'est cette question du décalage vers le rouge qu'il faut réexpliquer. C'est-à-dire, vraiment, justement, quand il tombe sur ces céphéides, et non pas les perséides, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tout à fait la même chose. Peut-être qu'on peut repréciser exactement Frédéric Courbin. Qu'est-ce que c'est que ces céphéides? Pourquoi elles sont si importantes? Et comment est-ce que Edwin Hubble les observe pour comprendre à un moment donné qu'elles sont en mouvement et qu'elles sont en train de s'éloigner? Alors, donc, ces céphéides, elles sont dans des galaxies, hein, déjà. Puis, c'est des étoiles très brillantes. Donc, elles ont l'avantage qu'on les voit très loin, donc dans d'autres galaxies. Et pour mesurer la constante de Hubble, donc, qui relie la distance à la vitesse de fuite des galaxies, hein, la loi de Hubble, c'est V égale H0 fois la distance. Donc il faut, pour mesurer H0, il faut connaître V et il faut connaître D. Alors mesurer V, ça se fait avec ce qu'on appelle les mesures de décalage Doppler. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, le redshift. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le redshift? Oui. Alors le redshift, voilà, donc c'est plus on s'éloigne de nous, plus l'univers est en expansion forte et donc plus on va voir les galaxies s'éloigner de nous vite. Et plus cette vitesse est élevée, plus la galaxie va être vue plus rouge qu'elle n'est en réalité. Donc ça, c'est une mesure qui n'est pas facile, mais qui se fait quand même relativement, de façon tout à fait standard maintenant, et même à l'époque de Hubble. Par contre, mesurer la distance, c'est plus compliqué. Difficile. Alors, je vais juste vous interrompre un instant parce qu'il y a toujours cette image qui est très simple, je trouve, pour bien comprendre, et les auditeurs familiers de la méthode scientifique la connaissent parce que je l'utilise à chaque fois, mais ce qu'on appelle l'effet Doppler, donc le redshift, le décalage vers le rouge, ça correspond dans les ondes lumineuses à ce que vous entendez, par exemple, lorsqu'une ambulance s'éloigne de vous, quand un train passe de vous, la fréquence s'étend, s'éloigne, et donc vous entendez une distorsion du son, c'est ce qui se passe avec la lumière. Est-ce que c'est correct, Frédéric Courbin? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, une onde sonore et une onde lumineuse, dans le principe, c'est la même chose. Et l'idée, c'est que l'onde devient plus grande en s'éloignant par rapport à sa longueur d'onde réelle quand un objet vous fuit. Voilà. Ça, c'est vrai pour le son. Donc, on entend le son plus grave quand un objet nous fuit. Et puis, si cet objet qui nous fuit émet de la lumière, l'onde qu'on va percevoir est aussi plus vue avec une longueur d'onde plus grande, donc plus rouge, que la longueur d'onde d'émission. Donc ça, c'est le redshift. Voilà. Alors, après, pour la distance, donc les distances, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile à mesurer en astrophysique. Y a les distances et les masses, c'est deux choses fondamentales, et on a beaucoup de mal à mesurer ça. Donc, pour les distances, l'idée de la méthode des céphéides, c'est donc de prendre ces étoiles céphéides comme chandelles standard, comme on dit. Donc, c'est des objets pour lesquels on connaît la luminosité intrinsèque. Donc vraiment, la luminosité, si elle était à une distance bien définie, de 10 parsecs typiquement, on prend une distance de 10 parsecs comme référence en astrophysique pour comparer les luminosités des astres, pour une céphéide, on connaît très bien sa luminosité. Et donc, si on la met dans une galaxie très loin, on va la voir plus faible que si on la mettait plus près, et donc on va en déduire la distance. Mais évidemment, pour ça, il faut avoir des objets dont on connaît très bien la luminosité, et les céphéides sont un de ces objets. Il y a aussi d'autres objets qu'on utilise, comme les supernovae de type 1A, qui sont encore plus brillantes et qu'on peut voir encore plus loin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des chandelles standards. On va voir que des chandelles standards, au fur et à mesure de l'histoire de l'observation, on en trouve d'autres qui permettent précisément d'affiner le calcul de cette constante cosmologique. Alors oui, c'est peut-être aussi quelque chose d'intéressant à préciser, parce que je viens de faire le lapsus. On parle de constante cosmologique, la constante de Hubble. Ce qui est intéressant, c'est que elle existait avant Hubble et Lemaître, puisque Einstein, à un moment donné, l'ajoute dans ses équations, même si c'est une solution qu'il n'aime pas, il l'ajoute, il la retire, puis il va la remettre, Sylvia Galli. Oui, ce sont deux choses différentes, disons. La constante cosmologique, en fait, était mise par Einstein dans ses équations parce qu'effectivement, il se rendait compte, en fait, que, par exemple, si on n'a que de la matière dans l'univers, normalement, la matière interagit à travers la gravitation qui est attractive, donc l'univers devrait collapser. Et vous voyez, au début du siècle, voilà, il pensait que l'univers, pour des raisons aussi philosophiques, il devait être simplement statique, donc il devait y avoir quelque chose qui contrastait, par exemple, l'effet de la gravité. Et donc, il avait introduit cette constante cosmologique pour éviter, par exemple, le collapse de l'univers à cause de la gravitation. De la gravitation. Ou au contraire, le fait que l'univers est en expansion. C'était vraiment une constante pour garantir cette stationarité. Et c'est pour ça que après en fait la découverte de Hubble et Lemaître, Einstein il s'est rendu compte que c'était un erreur. À l'époque, il lui semblait une erreur. Et en fait, presque 100 ans plus tard, on s'est rendu compte que non, on a encore besoin de la constante de cosmologique parce que l'univers est pas que en expansion, mais en expansion accélérée. Et ça, c'est une découverte de la fin des années 90. On y reviendra. Du coup, les premiers calculs de Lemaître, vous les avez donnés, on peut peut-être les donner. Quels sont les premiers calculs un peu précis, puisque on le dit aujourd'hui, les deux valeurs, on tourne entre 67 et 70 mégaparsecs par kilomètre par seconde. On va y revenir. Quels sont les premiers calculs, quelles sont les premières approximations que l'on a et comment les obtient-on, Frédéric Courbin, de cette constante de Hubble? Alors la précision d'une mesure, évidemment, c'est tout relatif. Ça dépend de ce qu'on veut mesurer, de quel effet on veut démontrer l'existence ou la non-existence. Mais disons, les toutes premières valeurs étaient très approximatives, autour de 600 km par seconde par mégaparsec. Puis maintenant, on est plutôt autour de entre 67 et 74 selon les mesures. Mais les barres d'erreur sont de l'ordre de 1,5-2 km par seconde par mégaparsec. Maintenant, les mesures, je dirais, utiles pour mesurer des distances précises, elles sont venues, je dirais, dans les années 80-90, plutôt même 2010. Avec le télescope spatial Hubble. Enfin, les résultats du télescope spatial Hubble, le programme a été commencé bien avant. En fait, Hubble a été lancé en partie pour pouvoir bien voir les étoiles céphéides dans des galaxies qui étaient considérées comme lointaines à l'époque, qui sont pas si lointaines que ça dans les standards actuels, et pour mesurer la période de pulsation de ces céphéides. Donc les étoiles céphéides, c'est des étoiles pulsantes, et donc elles vont avoir une période de variation d'intensité lumineuse, et la période est liée à leur luminosité. Donc si vous mesurez la période de l'étoile, on a une courbe sinusoïdale qui apparaître si on fait le flux mesuré en fonction du temps, la période est liée à la luminosité. Et donc du coup, vous avez une chandelle standard. Vous mesurez la période, vous avez la luminosité, vous en déduisez la distance. Et c'est en fait comme ça que même Hubble a fait les mesures, Lemaître aussi, et c'était de plus en plus précis. Donc le programme clé du télescope spatial Hubble qui était mené par Wendy Friedman, a donné en fait les premières mesures, je dirais, considérées comme très précises à l'époque. C'était une mesure de l'ordre de 10% sur la valeur de la constante de Hubble. C'est-à-dire, c'est des mesures de combien en l'occurrence, puisque là on parle bien de chandelles standard, c'est-à-dire de mesures directes, et donc sur ces mesures directes, les premières approximations étaient de combien environ? Donc typiquement 8 km par seconde par mégaparsec. Donc la valeur final du Ki programme du télescope spatial, c'est 72 plus ou moins 8, si je me souviens bien, kilomètres par seconde par mégaparsec. Donc ça, c'est venu dans les années 2000-2010. Et puis maintenant, on fait évidemment de mieux en mieux, avec les céphéides, puis avec les supernovae aussi, qui sont aussi des chandelles standard. Un mot sur l'augmentation de la précision de ces mesures par de ces mesures directes, Sylvie Galli, par céphéides ou par supernovae. Oui, je pense qu'il faut rajouter quelque chose de très intéressant, c'est que la valeur initiale donnée par Hubble était très très haut, comme Frédéric disait, autour de 500-600 km par seconde par mégaparsec. Et c'est après vraiment le travail de tout d'abord de Alan Sandage dans les années, il a commencé dans les années 50, il a continué un petit peu pour toute sa vie, qui ont baissé ce valeur à jusqu'à 50 km par seconde par mégaparsec. Et cette valeur, en fait, avait une compétiteur de la part de Gérard de Vancouver et autres scientifiques, en fait, qui mesuraient plutôt une valeur plus haut, à 100 km, à peu près 100 km par seconde par mégaparsec. Donc déjà à l'époque, ça est venu à peu près dans les années 70-80. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est que tous les deux en fait estimé leur bande d'erreur à peu près 10% de la mesure. Mais en fait, et c'est pour ça que, comme disait Frédéric, un des buts principaux du télescope Hubble, c'était de remesurer en fait les céphéides, donc la constante d'Hubble, c'était que ces groupes en fait sous-estimaient beaucoup toutes les erreurs, ce qu'on appelle systématiques. Donc, ils sous-estimaient énormément leur bande d'erreur. La mesure de Wendy Friedman de 2001 a aussi une bande d'erreur à peu près du 10%, mais le contrôle de ces effets systématiques est beaucoup, beaucoup mieux. Oui, là, avec une marge d'erreur, comme le disait tout à l'heure, hein, Frédéric Courbin, de plus ou moins 8 km par seconde par mégaparsec pour avoir une valeur intermédiaire d'environ 72 km par seconde par mégaparsec. Ça, ce sont donc pour les mesures directes, mais vont arriver d'autres types de mesures, des mesures dites indirectes. Et c'est là que les choses commencent à se compliquer, Frédéric Courbin, parce que ces mesures indirectes, plus on va avancer, plus elles vont s'éloigner de ces mesures directes. Alors, quelles sont-elles, ces mesures indirectes de la constante de Hubble? Alors, indirect, vous parlez de chandelles standard ou de... Je parle du fond diffus cosmologique. Ah oui, non, ça c'est... Bon, en fait, c'est une méthode directe aussi, mais on mesure en fait... Alors, Sylvia, on saurait plus oui. sur ça. Mais disons, ce qu'on mesure, c'est une échelle caractéristique dans le fond de rayonnement, rayonnement cosmologique. Donc là, on n'a plus une chandelle standard, on a un mètre standard. Donc, on a par exemple une unité de longueur dont on connaît l'échelle, au redshift du fond de rayonnement cosmologique, on en déduit la distance à ce fond de rayonnement cosmologique, puisque l'échelle caractéristique qu'on mesure, elle sous-tend aussi un angle, hein, donc avec un peu de trigonométrie, on a la distance au fond de rayonnement cosmologique, et ça donne la constante de Hubble au moment où l'univers avait l'âge du fond de rayonnement cosmologique. Et on peut relier cette constante de Hubble à la constante de Hubble maintenant, celle qu'on mesure avec les céphéides, qui sont en fait tout proches de nous, à travers un modèle. Et c'est là que les problèmes surviennent, c'est que quand on extrapole la constante de Hubble mesurée avec donc Planck, en l'occurrence, le fond de rayonnement cosmologique, jusqu'à la valeur de maintenant, on tombe pas sur la même valeur. C'est ça qu'on appelle la tension de Hubble à l'heure actuelle. Si on peut schématiser un peu les choses, Sylvie Galli, en cherchant à mesurer cette constante de Hubble à travers ce que vient d'expliquer Frédéric Courbin, c'est-à-dire le fond diffus cosmologique, on procède un peu dans le sens inverse de la mesure des céphéides où on parle du très près pour aller très loin. Là, on va partir du très lointain pour revenir et pour extrapoler à une mesure plus proche. Oui, tout à fait. Et la raison pour laquelle, en fait, on dit que la radiation du flux cosmologique mesure la constante de Hubble dans une façon indirecte, et en fait, c'est tout le point, en fait, et l'intérêt de cette contraste qu'on a aujourd'hui entre les deux mesures. et que, comme Frédéric disait, on a besoin d'un modèle, en fait, pour relier les observations de la radiation du fond du flux cosmologique, qui est une radiation qui provient d'une époque très ancienne, quand l'univers avait que à peu près 400 000 ans. En fait, pour relier ça au taux d'expansion de l'univers aujourd'hui, on a besoin d'un modèle. Et donc, si il y a une différence entre la constante de Hubble qu'on mesure avec la radiation de fond du flux et, par exemple, les supernovae, ça pourrait dire que le modèle manque de quelques ingrédients fondamentaux, en fait, que notre modèle physique est pas complet. Et ça, c'est clairement pour des scientifiques quelque chose de très très excitant comme hypothèse. C'est très excitant, mais ça crée aussi pas mal de dissensions et de crépages de chignons, pour le dire gentiment. Parce que pourquoi est-ce que c'est si, parce que pour essayer d'expliquer clairement, Frédéric Courbin, à nos auditrices et à nos auditeurs, par cette méthode de mesure du CMB, du fond diffus cosmologique, on aboutit à des mesures qui tournent autour de 67 km par seconde par mégaparsec. Et on va voir que d'autres mesures vont venir le confirmer, on va en parler dans un instant. Mais de l'autre côté, quand on passe par les chandelles standards, on arrive à 72 km par seconde par mégaparsec. On pourrait se dire, entre 67 et 72, finalement, la marge d'erreur n'est pas si grande que ça. Pourquoi est-ce que ce sont deux mesures qui sont totalement inconciliables ? Alors, en fait, à l'heure actuelle, je dirais, si on est honnête, on ne sait pas encore si elles sont inconciliables. Oui. En tout cas, on ne sait pas pourquoi. Alors, il y a essentiellement trois possibilités. Ou les mesures locales, dans l'univers local, donc avec les céphéides et les supernovae, sont fausses. Donc, les barres d'erreur sont sous-estimées, comme on disait tout à l'heure. Ou les mesures Planck, avec le CMB, donc le fond d'éléments diffus, sont fausses, pour une raison ou une autre, ou leur interprétation. Ou le modèle cosmologique, qui relie les deux, est faux. Et c'est ça, évidemment, qui serait intéressant. Mais pour l'instant, personne n'est complètement en mesure de dire où est le problème. Ou peut-être d'ailleurs, quatrième solution, les mesures sont fausses et le modèle est faux. On se trompe sur toute la ligne. ça peut. Alors, on est quand même dans un cas de figure meilleur que dans les années 50-60, où il y avait aussi, où les gens, comme disait Sylvia, avaient aussi sous-estimé leur barre d'erreur. Parce que là, on a des barres d'erreur qui sont peut-être sous-estimées, mais qui viennent de méthodes fondamentalement différentes. Le fond diffus, très loin, les céphéides et les supernovae, très près. Alors que dans les années 50-60, enfin 60-70, la situation, c'était qu'on avait deux équipes qui utilisaient la même méthode et qui avaient des barres d'erreur sous-estimées. Donc là, on a toute une collection de méthodes, quand même, qui tend à montrer qu'il y a cette tension de Hubble entre l'univers lointain et l'univers proche. Et l'univers présent, actuel, donc l'univers vieux, qui a 13,7 milliards d'années. On va continuer à discuter de cette constante de Hubble et de cette tension de Hubble. Vous allez voir qu'il y a d'autres techniques, d'autres méthodes de mesure plus récentes qui ne viennent pas vraiment aider à y voir plus clair, mais qui peuvent peut-être permettre de penser eh bien, quelles sont les raisons de cette tension. On en parle dans un instant. Lancé de colère et de dévore, de celle dont la ne vient que des feintes, plus que des pensées. En dedans, rien ne fume, plus que des mystères. Ta démarche à l'allure, plus que solitaire. Parfois de près, et presque trop. Il est de mots plus doux que de te plaire. Et même de loin, ou bien d'en haut. Il est de Dieu assez furieux pour ta détresse. Une fin au silence de Renard à 16h35 sur France Culture. Comme chaque jour, on soutient la scène musicale indépendante française. Nous parlons de la constante de Hubble tout au long de cette heure, en compagnie de Sylvia Galli, qui est chercheuse CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris, et Frédéric Courbin, qui est professeur au laboratoire d'astrophysique de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Alors, on a parlé des chandelles standards, on a parlé du fond diffus cosmologique, et je vous parlais tout à l'heure, en tout début d'émission, d'une étude publiée assez récemment, le 5 mars. C'est à cette étude effectuée grâce au télescope ALMA au Chili que nous nous sommes intéressés, et vous êtes allé rencontrer l'un de ses co-auteurs au laboratoire des deux infinis Joliot-Curie à l'université Paris-Saclay. Céline Lozel, bonjour. Bonjour Nicolas, et oui, j'ai été voir Thibault Louis qui vient de co-publier une étude qui a donné une nouvelle mesure de la constante de Hubble. Pour y arriver, lui et ses collègues ont utilisé la méthode indirecte, c'est-à-dire celle qui vise à étudier le rayonnement fossile, le fond diffus cosmologique, comme ce qu'avait déjà pu faire le satellite Planck. Alors eux ne sont pas partis de l'analyse de Planck, ils sont partis des données issues du télescope d'Atacama au Chili, qui a l'avantage d'avoir un plus grand miroir et donc de fournir une plus grande résolution dans ce rayonnement. Alors leur mesure indique une valeur de H0 de 67,9 km par seconde par mégaparsec, une mesure qui vient conforter bien sûr la valeur la plus basse déjà établie, mais qui ne permet pas pour autant d'apaiser la tension dans le débat. Alors, il y a un grand débat aujourd'hui sur la valeur de la constante de Hubble. Il y a deux mesures pour l'instant qui diffèrent. Il y avait la mesure du satellite Planck qui est autour de 67 km par seconde par mégaparsec. L'équipe d'Adam Riess, qui est notre équipe qui travaille sur ce sujet, eux font une mesure directe de cet effet d'expansion de l'univers et trouvent 73 km par seconde par mégaparsec. Et donc, il y avait ces deux mesures qui étaient en désaccord. Et la question qu'on se posait, c'est finalement quelle mesure croire ? Et nous, avec notre télescope, qui est le télescope cosmologique d'Atacama, on a refait une mesure de cette constante de Hubble et on est tombé en plein sur la valeur de Planck, autour de 67 km par seconde par mégaparsec. Donc notre but, c'était d'abord de vérifier et de confirmer si on pouvait faire confiance à ce résultat du satellite Planck. Et c'est ce qu'on a fait dans cette étude. On a bien prouvé que quand on mesure le fond diffus cosmologique, donc la première lumière de l'univers, on tombe bien sur une valeur du taux d'expansion de l'univers autour de 67 km par seconde par mégaparsec. Alors vous avez utilisé à peu près la même méthode que celle du satellite Planck, qui lui est dans l'espace, il est affranchi de l'atmosphère. En revanche, avec ce télescope, vous avez pu bénéficier d'une plus grande résolution. Oui, exactement. Le problème de l'espace, c'est qu'on ne peut pas envoyer de grands télescopes. Alors qu'au sol, on est assez libre de faire de grands télescopes. Et donc la différence vraiment principale entre notre télescope et le satellite Planck, c'est la taille du miroir. Nous, on a un miroir de 6 mètres qui nous permet d'avoir une grande résolution angulaire, alors que Planck avait seulement un miroir d'un mètre 50. Donc les deux approches sont complémentaires. On a des mesures de l'espace affranchies de l'atmosphère et des mesures du sol avec des grands télescopes qui ont le problème de l'atmosphère, mais qui permettent vraiment de regarder les petites structures du fond diffus cosmologique. Donc en pratique, vous regardez cette carte et donc les fluctuations, et c'est comme ça que vous évaluez les distances. Oui, alors on a tout un modèle cosmologique qui nous explique l'origine des structures dans l'univers. Ce qui se passe, selon notre théorie, c'est que des petites fluctuations quantiques en fait, sont étendues de façon exponentielle pendant cette période d'inflation de l'univers et donnent lieu aux grandes structures dans l'univers qu'on observe aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le lien entre l'infiniment petit, la physique quantique, et la cosmologie, l'étude des grandes structures dans l'univers. Après, on a tout un scénario physique d'évolution de ces fluctuations qui passe par vraiment une modélisation détaillée de la physique du plasma que constituait l'univers à l'époque. Et donc, on a notre modèle théorique qui nous permet vraiment de comprendre l'évolution de ces fluctuations. On compare avec notre observation du fond diffus cosmologique. Et en comparant les deux, ça nous permet d'inférer ce qu'on appelle les paramètres cosmologiques, et notamment le contenu de l'univers. Si on connaît le contenu de l'univers, on est capable de prédire, en utilisant la théorie de la relativité générale, son évolution, et donc de prédire son taux d'expansion aujourd'hui. Et quand on fait ça, on trouve bien 67 km par seconde par mégaparsec. Voilà. Comment on aboutit à cette valeur vraiment? Qu'est-ce que vous mesurez concrètement? Ouais, donc ce qu'on mesure, nous, c'est des petites fluctuations de température sur cette carte. En fait, le fond diffus cosmologique, c'est une image du plasma que constituait l'univers 300 000 ans après le Big Bang. Nous, on mesure précisément la taille et l'aspect de ces fluctuations-là. Ok, donc là, on est devant votre publication. Ouais. Donc nous, ce qu'on mesure, c'est vraiment ça. On fait des cartes du fond diffus cosmologique et on mesure leurs propriétés statistiques. Et notamment, on mesure un observable qu'on appelle la fonction de corrélation à deux points, qui nous dit simplement, globalement, statistiquement, de quelle taille doivent avoir ces fluctuations. Et ce que je vous montre ça, et ce que je vous montre ici, c'est exactement ça. C'est une fonction de corrélation à deux points des fluctuations de température et de polarisation du fond diffus cosmologique. Et c'est en comparant les points de données, là, que vous voyez en bleu et en orange, avec le modèle théorique, qui est cette ligne grise continue, qu'on arrive justement à inférer quel était le contenu de l'univers à l'époque de l'émission du fond diffus cosmologique. En fait, c'est une courbe dont la valeur et les différents features que vous observez ici vont dépendre justement de la constitution de l'univers. Imaginons qu'on ait moins de matière morte, par exemple, vous verrez que cette courbe changerait. La taille de ce pic-là, notamment, changerait. Imaginons que la constante cosmologique, donc en fait, ce qu'on pense, c'est l'énergie noire dans l'univers change, vous verrez que tous les pics seraient shiftés d'un côté ou de l'autre. Et donc, grâce à l'observation et à la mesure détaillée de tous ces points et la comparaison avec le modèle, on arrive vraiment à mesurer tous ces paramètres. Quelle sera alors pour vous la suite de ce travail-là? Comment on peut encore améliorer techniquement la prise de mesure? Alors, comme on vient de dire, on a deux mesures qui sont en désaccord. Comment on fait pour progresser sur la résolution du problème? Alors, il y a énormément de gens qui travaillent dans la communauté de l'étude, justement des supernovas, qui travaillent sur de nouvelles techniques pour vérifier le résultat qui a été publié par l'équipe d'Adam Ries, avec plein de détails astrophysiques sur l'explosion d'étoiles, donc les supernovae, qui sont vraiment le jalon de cette mesure. Et nous, d'un point de vue du fond diffus cosmologique, ce qu'on peut faire, c'est mesurer encore plus précisément les propriétés du plasma, et notamment pour aborder une autre hypothèse, qui est finalement peut-être que les deux mesures sont justes. Notre mesure basée sur l'univers primordial serait juste, et celle d'Adam Ries, qui est une mesure locale, directe de l'expansion de l'univers, serait juste aussi. Mais ce qui doit changer, c'est notre modèle d'univers. On aurait peut-être manqué d'un petit composant, notamment au début de l'univers, quand l'univers était très primordial, peut-être qu'il y avait un nouvel type de matière ou un nouveau phénomène physique qu'on n'aurait pas envisagé et qui permettrait de réconcilier les deux mesures. Finalement, si ça se trouve, l'erreur n'est pas dans les mesures, elle est dans le modèle. Et c'est ça ce qu'on essaie de vérifier avec la nouvelle génération d'observation du fond diffus cosmologique. Parce que si ce phénomène existe, non seulement il pourrait expliquer le désaccord de la constante de Hubble, mais il prédit aussi d'autres phénomènes qu'on pourra mesurer si on a une grande précision sur ces mesures du fond diffus cosmologique. Voilà, compte rendu de ces travaux publiés, donc comme je vous le disais, le 5 mars dernier. Simplement un commentaire sur ces dernières mesures faites à partir du télescope ALMA dans le désert d'Atacama au Chili, Sylvia Galli. Oui, tout d'abord, je dois vous corriger. En fait, c'est pas ALMA, c'est le télescope ACT. Ah, autant pour moi. C'est toujours dans le désert de Atacama, donc ça c'est bien, mais c'est. Vous faites absolument bien de me corriger. Vous avez raison. Très bien. Et en fait, la mesure de ACT, c'était très excitant. On l'attendait beaucoup. Mais le point, c'est que ces mesures sont encore beaucoup moins précises que celles de Planck. La bande d'erreur est trois fois plus grande que celle de Planck. Donc, c'est pour ça que c'est une très bonne indication, disons, qu'ils retrouvent la même chose. Mais encore, ils n'ont pas la précision pour vraiment tester la valeur trouvée par Planck. Et la chose très intéressante que je dois vous dire aussi, c'est qu'il y a une autre expérience au pôle sud qui s'appelle SPT, qui a aussi publié ses résultats en décembre et qui retrouve aussi une valeur bas de la constante de Hubble, 68.8, avec une bande d'erreur qui est en fait la même que ACT. Donc on a deux expériences qui observent la radiation du fond diffus cosmologique et qui sont en bon accord avec Planck, mais avec des bandes d'erreur qui sont encore assez grandes. Peut-être une réaction également, Frédéric Courbin. Oui, je suis complètement d'accord. En fait, ce qui est important avec ces trois mesures maintenant liées au fond de rayonnement cosmologique, c'est qu'elles sont en accord, malgré les barres d'erreur de tailles différentes dans différentes expériences. Parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il n'y avait que Planck, qui est évidemment une énorme manip avec beaucoup de scientifiques derrière, qui mesurait cette valeur basse de la constante de Hubble. Donc maintenant, on a plusieurs expériences qui confirment ça. Et c'est plusieurs expériences qui se fondent sur les mêmes suppositions théoriques, je dirais. Donc c'est normal qu'elle trouve la même chose, et elle le trouve. Donc c'est plutôt rassurant. Voilà. Parlez-nous justement, Frédéric Courbin, de vos travaux sur la collaboration qui s'appelle Holico. Alors, c'est H0LICO. Vous allez nous expliquer, ce n'est pas une sainte vache, mais c'est néanmoins l'acronyme de votre expérience. Vous pouvez nous en parler, nous dire comment justement vous utilisez l'effet de lentille gravitationnelle pour faire vos propres calculs de cette constante de Hubble. Voilà, alors d'abord pour commencer, donc il y a ces trois mesures liées au fondrillement cosmologique, qui sont des mesures faites dans l'univers lointain, et puis il y a toute une série de mesures comme les céphéides, les supernovae dans l'univers local. Et puis le groupe de mesures de l'univers lointain sont d'accord entre elles, le groupe de mesures dans l'univers local sont aussi d'accord entre elles. Mmh. Alors on parle beaucoup des céphéides et des supernovae, mais il y a d'autres méthodes. Il y a la méthode des masers à eau, par exemple. Alors, je ne vais pas expliquer tous les détails, mais c'est une méthode géométrique, donc c'est un mètre standard, et cette méthode-là trouve la même valeur que les céphéides et les supernovae. Et puis, il y a les lentilles gravitationnelles qu'on utilise dans le programme Holico. Alors, les lentilles gravitationnelles, c'est déjà tout un sujet en soi. Mais il faut vous nous expliquer en deux mots ce que c'est que l'effet de lentilles gravitationnelles très rapidement. Alors, très rapidement, c'est la déviation de la lumière par la masse. Donc, comme un morceau de verre va dévier la lumière et déformer des objets d'arrière-plan, bah, la masse va faire la même chose. Donc, une galaxie, par exemple, derrière laquelle on placerait un point lumineux, comme un quasar, donc c'est un noyau actif de galaxie très lointain et très brillant, bah, ce noyau lumineux va être vu à travers une lentille gravitationnelle de façon déformée. Et même plusieurs images, mirages, de ce quasar vont être vus. C'est pour ça qu'on parle de mirage gravitationnel aussi. Et maintenant... C'est un effet classique de la relativité générale. Voilà, c'est prédit par la relativité générale, et d'ailleurs c'était une des toutes premières preuves de la relativité générale, c'est l'effet de mirage gravitationnel. Ça, c'est bon, ça c'était pendant une éclipse de soleil, on ne va pas raconter toute l'histoire là, mais disons... Non, mais d'autant qu'on a fait une émission sur Einstein et sur la relativité générale il y a très peu de temps, donc nos auditeurs fidèles ont toute l'émission évidemment en tête en ce moment même. Allez-y, je vous laisse continuer. Voilà, donc en tout cas, la façon dont on mesure la constante de Hubble là... elle se base sur la mesure de ce qu'on appelle les délais temporels dans les mirages gravitationnels. Donc si l'objet dont on voit plusieurs images a des variations d'intensité lumineuse, comme les chemins optiques qui mènent du quasar jusqu'à l'observateur sont différents, donc vus à travers la lentille gravitationnelle, si le quasar a une variation d'intensité lumineuse dans le temps, on va la percevoir à différents moments au niveau de l'observateur. Donc le télescope va voir une courbe de lumière, donc les variations d'intensité du quasar variées dans le temps, évidemment. On va voir le même signal dans toutes les images mirages, mais décalé dans le temps. Et ce décalage est lié directement à la constante de Hubble. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est lié à la constante de Hubble indépendamment des autres paramètres cosmologiques, dont on n'a pas beaucoup parlé ici, mais la constante de Hubble, c'est un paramètre cosmologique, mais il y en a d'autres. Planck mesure des combinaisons de ces paramètres, les lentilles gravitationnelles mesurent essentiellement H0, la constante de Hubble, et dans l'univers local. Et quand on fait ça, eh ben on trouve la même valeur qu'avec les céphéides, les supernovae, les masers à eau dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Donc toutes les valeurs locales de la constante de Hubble. Donc valeurs hautes. Les valeurs hautes, donc autour de 73. Mmh. Alors avec des barres d'erreur qu'on peut encore discuter, on a encore beaucoup de travail nous aussi pour diminuer nos barres d'erreur. Mais disons qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle mesure, on tombe sur 73. Et puis, il faut voir que tout ce travail-là est fait en aveugle, comme on dit. C'est-à-dire qu'on mesure les délais temporels, on modélise nos lentilles, et à aucun moment dans l'expérience, on ne voit la valeur de la constante de Hubble. C'est seulement à la fin de la chaîne d'analyse qu'on... unblind, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on, qu'on révèle la valeur finale de la constante de Hubble, et on publie ça, quelle que soit la valeur. On pourrait rajouter très très rapidement, parce que aux mesures lointaines, la méthode de mesure avec les ondes gravitationnelles qui, elles, donnent, comme toutes les mesures lointaines, une valeur basse. J'aimerais qu'on passe du temps dans les dernières minutes et dans ces 10 dernières minutes à essayer d'expliquer aujourd'hui quelles sont les hypothèses, Sylvia Galli, qui permettent aujourd'hui de comprendre pourquoi les valeurs basses et les valeurs hautes sont calculées en fonction effectivement de l'univers proche ou de l'univers lointain. Comment est-ce qu'on peut le comprendre et quelles sont les options qui sont sur la table pour essayer d'unifier ou de trouver une valeur unique à cette constante de Hubble qui, je le rappelle, permet de mesurer la vitesse d'expansion de l'univers. Oui, bah, si on croit vraiment que donc il n'y a pas d'erreur instrumentale ou de la mesure dans les supernovae ou dans la mesure de la radiation du fond du flux cosmologique, voilà, on a déjà dit l'hypothèse est que vu que on a besoin d'un modèle cosmologique pour déduire la valeur de la constante d'Hubble à partir de la radiation du flux cosmologique, la possibilité est que on doit changer ou modifier ce modèle. Alors, comment le modifier? Il y a énormément de hypothèses et de théories qui ont été proposées par des théoriciens pour changer ce modèle. Il y a deux classes principales de modèles. Un qui change l'évolution de l'univers, récent. Par exemple, il change comment l'énergie sombre évolue dans les dernières milliards d'années. La deuxième classe de modèle, en fait, change plutôt l'univers primordial et comment l'univers évoluait dans ses premières instances, peut-être pendant la formation de la radiation du fond du flux cosmologique. Et la chose que je trouve intéressante, c'est quand même que il n'y a pas encore vraiment un bon modèle qui est bien justifié d'un point de vue physique et qui peut aussi expliquer toutes les observations qu'on a. Parce qu'il faut rappeler que c'est assez facile de trouver un modèle qui, en fait, qui peut mettre en accord la mesure de la radiation du flux cosmologique et les mesures des supernovae. Mais le problème, c'est que on a beaucoup d'autres données, en fait. On a des données de supernovae à haute redshift, donc à très très grande distance. On a les données survey des galaxies, en fait, et les mesures de ce qu'on appelle les oscillations acoustiques des baryons, donc qui en fait sont des sondes cosmologiques à des distances intermédiaires entre la radiation du fond du flux cosmologique et ces supernovae proches qu'on utilise pour la mesure de H0. Et en fait, il y a aucun modèle théorique qui est capable en fait d'expliquer toutes ces observations correctement et de mettre en accord les deux valeurs. Et c'est ça tout l'enjeu en fait pour les cosmologues qui travaillent dans la théorie de trouver un modèle qui puisse mettre en accord tout le monde. J'ai lu Frédéric Courbin qu'il y a une hypothèse qu'on appelle la bulle de Hubble qui serait un biais dans les mesures de distance qui fausserait l'estimation de la constante de Hubble. Vous pouvez nous dire un mot peut-être là-dessus? Oui, alors ce serait un effet local pour une raison ou une autre. L'expansion de l'univers ici localement est différente. Alors on n'a pas d'explication à ça. Certains invoquent des univers en dehors de notre univers qui attireraient l'endroit où on se trouve. Bon, mais ça, c'est très très spéculatif, ça. Purement des choses, voilà, ouais, complètement. C'est presque un exercice de style, je dirais. Mais voilà, c'est un peu des raisons, je dirais, ad hoc. En fait, le gros problème maintenant, c'est qu'on a on a plein de possibilités pour expliquer cette tension de Hubble. Et, ce qu'on mesure, c'est la constante de Hubble maintenant, avec des méthodes directes ou indirectes avec le fond cosmologique. Mais entre deux, c'est ce que disait Sylvia, il faut aussi mesurer tous les autres points de la courbe. Bien sûr. Et ça, pour l'instant, y a des mesures, mais il en faudrait plus. Et les modèles qu'on a pour expliquer la tension de Hubble, pour l'instant, ils ne tiennent pas compte de toutes les mesures en même temps. C'est ça qui manque. Il y a des modèles qui résolvent la tension de Hubble, mais ils cassent autre chose dans le modèle cosmologique. Oui. Qui est par ailleurs remarquablement robuste, c'est bien ça le problème, c'est qu'on a un modèle cosmologique standard qui est quand même extrêmement solide, qui est confirmé par un nombre incalculable d'observations, et ça ce serait compliqué de remettre en cause ce modèle cosmologique standard pour pouvoir résoudre ce problème de tension de Hubble. Oui, complètement. Oui, c'est... Et après, on peut invoquer des tas de choses. Donc, il y a la façon dont évolue l'énergie sombre, ici ou juste après le Big Bang. Mais on peut aussi changer la masse des neutrinos. On peut aussi changer le nombre effectif d'espèces de neutrinos. Donc, ça, c'est un problème qui a à voir avec la physique des particules. On peut changer la physique des plasmas dans le fond de rayonnement cosmologique. Ça va changer aussi la constante de Hubble, mais ça va avoir des conséquences sur d'autres paramètres cosmologiques. Donc, il faut faire attention de ne pas améliorer les choses d'un côté et défaire de l'autre côté. C'est la grosse difficulté. Le camarade Jean-Philippe Puzan écrivait dans un papier que l'une des hypothèses, c'est que de considérer que l'univers local pourrait ne pas être représentatif de l'univers à grande échelle. Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre éventuellement nous dire un mot de cela pour conclure, Sylvia Galli? Oui, je ne sais pas à quoi il pensait en particulier Jean-Philippe, mais une des possibilités, voilà, c'est ce que vous disiez, qu'en fait, on est dans un endroit particulier de l'univers, donc par exemple dans une sous-densité, ouais, Et en fait que les supernovae s'éloignent de nous parce que il y a de la matière en dehors de cette vide dans lequel on vit. Mais en fait ça a été testé avec des observations, notamment avec les supernovae même, et on voit pas la trace de cette grande vide où on devrait vivre. Donc déjà ça, il y a pas vraiment des observations directes de cette hypothèse. Et deuxièmement, en fait, il faudrait que notre position de l'univers soit si vide qui serait en fait en désaccord avec le modèle cosmologique standard. Donc, ça serait quand même quelque chose de très très bizarre. Frédéric Courbin, pour conclure. Oui, alors il y a ça, c'est voilà, effectivement une possibilité. Une autre possibilité qui est souvent invoquée, c'est que la force de gravité soit pas la bonne. Donc sur des grandes échelles, par exemple, la force de gravité est plus faible que ce qu'on pense. Et ça change aussi la façon dont l'univers évolue. Mais évidemment, ça c'est une mesure extrêmement dure à faire. Il y a des expériences en cours. Il y a le satellite Euclide qui va peut-être pouvoir mesurer ça. Gaïa bientôt aussi. L'expérience Gaïa, alors, oui, je disais alors, pour. Ah oui, alors Gaïa, effectivement, oui, mais alors là, c'est sur des plus petites échelles. Mais par contre, les mesures sont beaucoup plus précises. Donc, pour tester la gravité, on ne teste pas la gravité de la même façon avec Gaïa qu'avec un grand relevé cosmologique. Mais en tout cas, l'idée derrière tout ça, c'est de dire, est-ce que la loi de la gravitation telle qu'on la décrit avec la relativité générale est une représentation correcte des choses? C'est une vaste question dans laquelle nous n'allons pas nous engager tout de suite, mais à laquelle on a tâché de répondre, en tout cas d'apporter des réponses dans d'autres émissions. Merci en tout cas infiniment à tous les deux d'être venus nous parler de cette constante de Hubble. Merci beaucoup Sylvia Galli, merci Frédéric Courbin. Je prends quelques secondes pour m'adresser à vous qui nous écoutez. Si vous êtes professeur dans l'enseignement national, dans l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, et que bien vous avez à l'adresse de vos élèves déjà produit des podcasts en sciences notamment, mais aussi pourquoi pas en français, en histoire, en géo, en philosophie, en mathématiques, en sciences naturelles, en musique et même en sport. Si vous produisez des podcasts, eh bien France Culture lance un appel à podcasts auprès des enseignants. Vous pouvez nous adresser ces podcasts et puis ils seront sélectionnés dans chaque matière. 3 podcasts qui seront hébergés et diffusés par la plateforme de France Culture. On vous met le lien, tous les règlements est en ligne sur le site franceculture.fr. N'hésitez pas, principalement vous qui nous écoutez, nous savons qu'il y a beaucoup de professeurs de sciences naturelles, de mathématiques qui nous écoutent, donc n'hésitez pas répondre à cet appel à projet pour les podcasts de profs de France Culture. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Olivier Bétard à la réalisation, Audrey Guilly à la technique. Demain, après l'image en noir et blanc, l'image en couleur, l'image animée, l'image en 3D, le futur de l'imagerie sera-t-il holographique? C'est la question à laquelle nous tâcherons de répondre demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.